T'as des nouvelles d'E.T., non? Ah oui, au fait, E.T. extraterrestre. Alors, E.T. extraterrestre. Alors, oui, alors, vas-y, Maurice, vas-y. T'as besoin du texte? Ah, oui. Non, mais non, mais t'as pas besoin du texte. Non, t'as pas besoin. Alors, c'est un E.T. Va manger chez... Un E.T.? Non. Commence pas à m'embêter. Non. Hein? Fais-la bien, Maurice. Vas-y, fais-la bien. Vas-y. Bien. On s'en fout de la production. E.T. qui va manger chez sa maman et dit à sa maman... Oui. Mais c'est pas possible. Ils sont. Non, mais c'est pas vrai. Faut la refaire, Maurice. Voilà. Ah oui, ça, faut la refaire complètement, là, Maurice. Mais là... Mon.